Il faisait vraiment un sale temps. On a marché pendant des semaines. Aucun signe d'eux. Tout à coup, ils ont surgi du brouillard. On pouvait les entendre piquer les hommes un par derrière. Je n'ai jamais été aussi effrayé. On se battait sans cesse. On ne dormait pas. On pissait debout, là où on était. Ils se sont jetés sur nous comme des animaux. Hey, sweet god, machine est fou, sweet god, watch ma gueule, c'est Narvalo, yo yo yo yo. Ouais, faut m'écouter quand l'industrie fait des mauvais couplets. 25 centilitres, voire un peu plus au développé couché. T'es touché, coulé, débauché, mon son prend de l'ampleur. Lâcher les faux gladiateurs pour la distraction de l'empereur. Peur, j'mène la vie dure, en plus de ça j'aime la biture. C'est pas si sûr que j'm'en sors bien quand le chétan verse la mixture. Magnitude 9-3, toujours les mêmes salissures. Mon son me pète la figure car mon stylo c'est comme Excalibur. Lâcher les pauvres, qu'un jour on puisse passer des lofs. Parce que j'en ai assez d'être pauvre. Maintenant j'veux des liasses et des gaufres du son. Pour clasher les faux, c'est fait entre grâce et débauche. Je ne vais pas mal. J'ai mes mots, mais je vais plutôt te casser les côtes. Faut que je trace, moi je mate la bêtise, mais sente la mettre. Écarte-toi car là je garde la petite des dents de la mer. Voilà coup de grâce, paraît-il. Alors j'envoie mes coups, garde pas les flics. Sache qu'on cache pas un ours derrière un fou, la Palestine. Je reste à la mode comme Abercrombie et Fitch. La merde qu'on vit est speed, faut de la thune car la bière qu'on dise est vite. Ça se dégrade, les beaux conseils, faut que tu captes le potentiel. Demande un futur proche, tiens cette garce de pro dans l'aise. Au pire, short des guns, il mange, pose, regarde comme ce que il trempe. Je cause, il reste numéro 1 jusqu'en 2030. Mais j'ai encore le seum quand je déborde. Tu rêves d'une Porsche neuve, mais sache que j'ai les yeux revolver pour ceux qui me portent l'œil. SCY, SCY dans les tasses, le mec, okay. Allez, lâchez-moi les fauves et les gladiateurs, je sais comment les recevoir. Ouvrez-moi les cages que je parte faire mon devoir. Remplissez l'arène et qu'elles soient pleines à craquer. Qu'ils viennent voir le spectacle, tous vont passer. Ça fait 30 jours que j'ai pas graillé, je suis à cran, envoyé. Moi, ne fusque qu'une armée, que je la rentre. J'en ai marre de planter, que pisse mon sang. Et dans la chair, je planterai les griffes de la conscience. Ce soir je compte venger les victimes d'un rap qui ne transmet rien d'autre que des rimes vides, Kinsby. Pas aux apparences, ce qui est visible. Ils ne verront qu'un homme et entendront chanter un grizzly. SCY dans la fosse, ils sont titanesques. Dans un futur proche, les plus féroces des pauvres ont les grippes à l'air. J'ai faim de victoire et là ma bouche l'anticipe. Lâchez les moi une bonne fois pour toutes qu'on en finisse. Dans ma poche, yeah. La foudre avec un goût de métal. Je noircis des feuilles tout comme je vide ma telle. La tease m'appelle pas moyen, alors c'est vrai, putain de merde que je suis vide ma peine. J'ai pris la sortie directe vu que c'est mort d'entrée. Tu veux notre tête, mais dis-toi bien que je suis plus fort d'entre eux. Je rase ma crinière, hein. Et puis je m'en fous de façon. Ouais, je parie au school, le code est de pouf tout fashion. Et puis les doutes me taillent. Car dans ma bouche et la foudre avec un goût de métal. Genre les crocs à ma carrière tu sais. Et toujours en dents de scie. Nos rugissements, ouais c'est vrai qu'on préfère entendre ça. Mais je sais que je sème des poutex. Mais tu sais que je signe mes sons. Et même sur des poules qui est. Et puis je suis dedans tu sais. Et depuis mes 16 ans j'écris sur des feuilles mortes. C'est l'automne et depuis des saisons. Je traîne aux côtés de gars plus forts et fous que bagarin. Si tu m'entends c'est que futur proche a fini par faire un FRAX sur la 5 lettres. Lâcher les fours, c'est menacer le 1 chef. Pour ta brode, pas pitié, une belle blessée, je l'achève. La foule ordonne et j'exécute, ne ferme pas les yeux. Là c'est machinable, mettez le pouce vers le bas messieurs. Place à l'inimaginable. Manger à ma table, c'est partager la ration. Barbare qu'on donne au lion pour régaler la nation. Et à la grille, question, arrache des colons. La bestiole, j'amuse plus la galerie, j'arrache des colonnes. Vous trouverez le charnier là dans le fond de la brume. Entrez sans l'idée de m'épargner, moi l'enfant de la brute. Dans la cage, je verrai des trésors. Je ne saute plus dans les cerceaux, berceaux. Je préfère quand j'arrache les bras des trésors. Protégé par des orangs, motivé par mes chancelles. Si dans ta charme est courante, c'est que je suis un faux mépris de sang frais. Je suis méprisant frère, une bête parmi les hommes. Un ami des ogres, récurrent, adepte de prison ferme. Mélange détonnant, d'une frappe viking, d'une rage légendaire. J'en fais l'étonnant, crame les victimes et les gens qu'un rien étonnant. Mes femmes d'Iki brûlent d'aller chanter, adore et c'est comique. J'acte dans les films qu'un dieu pend des collants. Sombre et la mise en scène, je gronde, je lâche des rimes obscènes. Bon, rap et crise en cesse, tombe, rage et crise en thème. Donc, atterris contre scène, je compte pas mes clips sans sel. Bon, allez mec, je t'enseigne mon blast, pas celui de mes ancêtres. Ok. Ma scène anime l'antenne, vient me consoler à consommer de la zèbre. Les consommis ont mis un zèbre au sommet de la chaîne alimentaire. Comme indiqué, on est coutumier du fait où ça glousse en douce. Tu sais, ça croit de buffet, on bouffe des invités. J'aime prendre de cours, c'est simple, maniaque. Même si tu fais le singe, tu te feras pas la malle. Y'a pas de liane dans ma jungle de tour. Donc ça court, gros, je les vois, des fois ça me déçoit. Quand ça se déploie comme des proies devant un cours d'eau. Prennent le mur comme une voiture sans pilote. Et là, c'est sur la liste des lâches, j'ai vu ta mise. Et là, je veux des cuisses d'antilope. Y'a pas à dire qu'y a pas de fauve. Le dos vide, je suis une produite aussi. Trop hostile, je circoncis la faune. L'exhaleur, tu veux m'arconner, sera la sienne. Lâchez les crottes, donc allez-y, lâchez les fauves. Et je protégerai le chrome, quitte à m'en casser les côtes. Tant que je porte la bête en moi, qu'on ne me dise pas que le rap est mort. Je concrétise, mec, je fais cramer l'arène à force de frapper fort. Méfie-toi bien de l'homme qui dort au pied d'un sycomore. Je préfère le brûler que de faire briller le drapeau tricolore. À briser la monarchie qu'il me propose. Comme abrasif, j'applique le tauromachie avec le minotaure. On va le tes loges, des pétasses dans les loges. Et si le pouce est vers le bas, ce ne sera pas pour un des nôtres. Je combat pour ce livre et qu'on parle pas de billets mots. Qui veut ma peau, elle sera la sienne et qu'on parle pas ma vie et l'autre. La vie est un sport. J'écris des rimes à tout l'Ipska, le risqué. Que je raconte beaucoup de merde, ramène du whisky. Va chez ton disquaire, comme ça je vais te distraire. 4 du mat, tu défonces et je m'endors au cimetière. Mal oeil, y'a rien de méchant, c'est juste de la méfiance. Pas de confiance dans ce monde de chemin, tout le voisin veut tes chances. La vie est un sport, où faut baiser le score. Mais bon, je t'apprends rien comme pas baisser le short. On souhaite par habitude, change de femme par lassitude. Quand y'a de là, toujours l'habitude. Filant sous le coussin, portant tes douches viens. Morale de bif à mort et j'attends pas de coup de main.